L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 20 septembre, Manoncourt accueille une nouvelle édition de sa journée des artisans avec au programme exposition, démonstration et animation. Pour en parler, nous avons au téléphone Philippe Belchen. Bonjour. Bonjour. Alors, deuxième édition, comment s'était passé? Comment avait été reçue la première édition? Bon succès, hein, il y avait eu beaucoup de personnes. Là, on a décidé d'améliorer un petit peu cette journée des artisans avec trois pôles regroupés en fait avec tous les artisans. Donc, on a un premier pôle rue Sonigny, un deuxième rue des Marronniers, puis un troisième sur la D112, où on retrouvera l'ensemble des artisans de Manoncourt. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser un tel rendez-vous à Manoncourt? Alors, l'idée, c'était de promouvoir la ville de Manoncourt envers moi, parce que c'est vrai que aux alentours de Nancy, voilà, c'est une petite commune, mais qui a la particularité de regrouper beaucoup d'artisans. Alors, des artisans de quel type d'activité? Différentes activités. On a aussi bien une laiterie, on va avoir aussi un élevage de vaches laitières, on a aussi une tiny house qui est en location sur le village. Également une distillerie, distillerie du Vermois, on retrouve de la vente. On a aussi un atelier donc d'ébénisterie, des expositions de photos, donc on a une photographe aussi sur le village, électricien, on a aussi un salon de coiffure, enfin voilà, c'est vraiment d'artisans différents. On a un éleveur boucher, donc moi je suis spécialisé dans la sécurité routière, donc je fais des formations, je propose des formations pour prévenir le risque routier. Donc voilà, c'est vraiment différents domaines d'activité. Et vous avez donc choisi cette fois-ci, pour cette deuxième édition, d'organiser ça sous forme de trois pôles, c'est ça? Voilà, exactement. Ça commence donc à 10h. Les possibilités de se restaurer aussi sur place sur la D112, hein, avec l'éleveur du Vermois. Et puis, la journée sera clôturée également par une conférence qui sera menée dans l'église de Manoncourt sur Sonigny. Donc Sonigny, c'est un naturaliste du 18e qui a justement exploité une ferme sur Manoncourt. Donc il y a une rue qui porte son nom. Et puis, la journée se clôturera donc avec tous les artisans. Et avec un concert. Et avec un concert également qui sera donné à l'église, exactement. Donc c'est bien sûr ouvert à tout le monde, hein, ce n'est pas réservé qu'aux habitants de Manoncourt, donc si on est oui. De Nancy, on peut tout à fait venir à votre rencontre et découvrir tous les talents et les compétences qui vivent à Manoncourt. Ah oui, bien sûr, oui, ce sera l'occasion justement de naviguer sur ces trois pôles, donc il y a possibilité, je vous l'ai dit, d'une restauration, on peut se stationner assez facilement, ça sera sécurisé d'ailleurs pour ça, et puis après, ça sera après chacun suivant son pôle d'intérêt. Et si on veut retrouver quelques informations pour voir un peu la liste des artisans qui seront là de manière plus détaillée, est-ce qu'il y a un site internet, une méthode pour voir toute la programmation? Alors, on peut aller sur le site de Manoncourt, donc il y a une page Facebook. Également, donc on a distribué pas mal de tracts aux alentours de Manoncourt, également des affiches chez les commerçants. Voilà, ça s'appelle Manoncourt en fait. Et donc il y a moyen effectivement de retrouver un plan en arrivant sur le site, hein, Manoncourt. C'est bien indiqué, il n'y a pas de problème. Et donc rendez-vous le samedi 20 septembre à Manoncourt pour cette deuxième édition de cette journée des artisans. Merci beaucoup Philippe Belchen. Bah, je vous en prie, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.